On dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il est temps, 17 février. Moi, je sais, on va faire en classique. On l'a fait classique. Mais ce qui me plaît, avant de commencer l'émission, mon Gaétan, c'est que tu sais que j'adore jouer avec les mots. Suzette, t'en a parlé hier. Oh, et c'est que moi, c'est des expressions, on les connaît. On les connaît, c'est poussiéreux. Puis mon grand plaisir, un peu comme une boule de cristal, c'est de la prendre, de la faire miroiter, de regarder autrement cette réalité que l'on nous suggère depuis autant d'années sans l'avoir remis en question. L'expression, c'était écrit dans le ciel. Mais pourtant, intéressant, c'était écrit dans le ciel. Ben ouais, c'était écrit dans le ciel. Non, non, mais je sais pas pourquoi je suis pas arrivé avant. Hein, il y a toujours des choses qui nous amènent à aller plus loin dans cette expression-là. C'était écrit dans le ciel. Et moi, je me suis imaginé deux personnages. Je vous les placerai pas enceinte. Ne. Et peut-être enceinte après, on sait pas, hein? C'est une histoire de couple, là. Il y a des petites affaires qui vont se passer, puis on va peut-être aller plus. Oh, on va creuser la situation. Mais là, c'est pas ça que je veux vous amener, là, vous proposer. Alors, c'est quelqu'un qui lance comme une tirade. C'était écrit dans le ciel. Et l'autre? Pourquoi tu ne l'as pas lu? Pourquoi tu ne l'as pas lu? Nous aurions pu éviter le pire. J'espère que, en ce vendredi 17 février, ce que nous allons avoir ensemble, en fait, c'est comme une relation à plusieurs. Là. Comment t'appelles? Sociologique? Étymologique? Ben non, étymologique, c'est à travers les mots. Ouais? Ok, c'est une réunion. Merci, membres, amis, errants, errantes, car aujourd'hui, le vendredi 17 février 2017, il y a bien des 7 là-dedans. 2017, 17, arrête-moi ça, c'est un message. Enfin, il y en a qui comprennent les liens, là. C'est pas innocent, mais c'est innocent. Ce gars-là, ce que vous entendez, la voix que vous entendez, c'est innocent, c'est pas à peu près. Ça. C'est écrit dans le ciel, c'est un innocent. Rénal, R-A-Y-N-A-L-D, c'est vu, là, tu te lèves la tête le soir, la nuit, les étoiles, c'est écrit innocent en bas Rénal Gagné. Pas compliqué, là. 17 du 17, tu sais, hein? On va-tu aller plus loin là, dans la réflexion? C'est pas anodin, là, tout le monde dit, mais voyons donc. Ça aurait pu être le 18. Oui, ça, ben oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça, là. C'est le 17 du 17. Hey, j'ai la chair de moule, moi, là. Hey, j'ai la tangente qui glottine. Ah mon Dieu. Hey, j'ai une réaction chirurgicale là, devant vous, là. Je suis presque en train de m'auto-opérer. Au père, vas-y, parle ton générique. Non, attends. On va creuser, on va chercher. 17, 17, 7, 14, 4, 1, je retiens 34. 34. Je retiens donc, j'en oublie un. 33. Hey, tu n'oublies un, tu 34. Oh, moins un, 33. L'âge du Christ crucifié, 33. T'es malade à 33, tu vois, je suis le médecin. Place la petite affaire en arrière, très froide. Il fait 33. Hey, ils vont me développer un cancer, ils vont mourir à 33. C'est pas anodin, il n'y a rien d'anodin. C'est juste les centessins qui voient toutes les choses d'une manière si insignifiante. C'est complexe, la vie. Tu te réveilles le matin, tu sais pas si tu vas mettre le pied dans la céréale ou dans le lait ou dans le verre, dans le cendrier. Tu le sais pas. T'es un risque de tous les instants. Là, on va partir. Ah ouais, pas moi ça, parce que sinon, je pense que je vais avoir la gorlotte qui va mordre. 17, OK! Vendredi, le 17. 17. Ouh. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Vendredi, le 17 novembre, pas novembre, février, ce n'est pas février, c'est le 2, deuxième mois. Le deuxième mois, ce n'est pas un mois. C'est la vie, ce n'est pas un combat, c'est l'espoir. Février, ce n'est pas un mois, c'est le 2. Mais là, c'est le 17. Mais là, ton affaire, 2, 17, février. C'est-tu décomposable? Dans quel sens? En avant, en arrière, par-dessus, par-dessous? Oh mon Dieu! Vendredi 17 février 2017. Monte. On est déjà monté, je pense. Je crois bien. Je pense pas, mais je crois bien qu'on est vraiment là, en haut. Plus haut que ça, là, tu te frappes la tête dans le firmament. Tu vois pas des chandelles, tu vois des ondulations d'étoiles. T'es dans le trou. Bon, moi, j'ai toujours été dans le trou. Moi, la misère à ramasser mon argent pour aller à Paris. Dans le trou, on est tout le temps dans le trou. Je tombe dans le trou. J'essaie de me relever, je retombe dans le trou. On me relève dans le trou. Lui, c'était trois fois. Moi, c'est 33. 17 février 2017. Wow! Monte le volume et hume la différence, c'est parti! Mais en mi! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Le farfadet! Tu parles tout seul, t'as pas monté le son! Ça commence, je te dis, toi là, tu peux pas faire ça dans l'ordre. C'est tout le temps un brouillon. T'es constamment dans le brouillon, puis je suis en train de me demander si je n'entends pas très bien ma voix. Là, j'entends mieux. Oh! Imaginez-vous si tout le monde a monté leur son, puis là, tu remontes ça derrière tout ça, là. Les gens vont saigner des tympans, les voisins vont frapper dans le mur, les fantômes vont se sauver. C'est croche, c'est tout croche. Rien n'est droit. Croche, deux croches noires, triolet noir. Croche, deux croches noires, triolet noir. Pause, blanche. Non, une blanche, là, c'est deux temps. Là, toi, tu prends trop de temps, là, tu glisses à la blanche, puis il y a... Au petit... Oui, effectivement, le samedi, tu peux glisser sur la blanche. Mais il faut que le dimanche, tu te redresses. Tu prennes des noirs. Tom, mais autorise-toi à un moment de la semaine, tu peux le choisir, de glisser. Comme dans sur une luge. Mais sur la neige, mais dans la luge. Toi, tu es dans la luge, mais tu glisses sur la neige. On apprend ça à nos enfants. En haut, en bas. À gauche, à droite. Au-dessus, en dessous. On dirait qu'avec les années, on oublie tout ça. On a abandonné toute structure intelligible. Non, intelligible, non, mais intelligente. Tout oublier ça. Pour en arriver à balbutier pendant jusqu'à la fin de nos jours un français qu'on croyait maîtriser, mais là, dépendamment, bien sûr, là, dans quel segment, dans quel. J'allais dire cercle, oui, dans quel cercle vous vous trouvez. Cercle universitaire. Tu te retiens le sphincter. Et tu exploites les mots les plus exceptionnels pour étaler la. Pour ébahir la galerie, pour, bien sûr, susciter auprès de l'auditoire une finesse langagière afin qu'ils retournent, eux, à la maison en se disant « Putain, merde! Il était sans sas, le mec! Hein? » Ou bien « Tabarnak, le sein, qu'est-ce que c'est ça? On n'a rien compris! Mais... » C'était ennuyeux! Pourquoi c'est ennuyeux? Parce que t'avais pas de référence. Quand il n'y a aucune référence, il y a manque d'intérêt. Moins que tu peux t'accrocher, plus tu décroches. C'est pour ça qu'on dit chacun. Chaque torchon trouve sa gagne. Chacun trouve sa chacune. Et chaque artiste a son public. Le public d'Éric Lapointe, c'est pas le public, même si Éric Lapointe chante des chansons. C'est un chanteur québécois en passant, Éric Lapointe. Pour les Belges, les Suisses, les Africains qui viennent regarder notre hiver québécois, viennent admirer notre belle ville de Québec sous la neige. Il est important de vous donner les références, un lexique pour que vous puissiez suivre un peu l'émission, malgré que, depuis le début, ça dérape. Et donc, Éric Lapointe peut reprendre des chansons de Richard Desjardins. Je n'ai pas à présenter à aucune personne dans la francophonie avec une culture quand même assez avancée. En parlant d'avancée, je me suis intéressé à Charles Bukowski. Il y a quelques semaines. C'est un homme qui était quand même assez avancé au niveau de la... Hein? Il manquait pas d'huile. Intéressant, mais... curieux. Quoique la curiosité... n'est pas un manque d'intérêt. Bien au contraire. Alors, c'était écrit dans le ciel. Ah oui, Richard de Éric Lapointe peut reprendre une chanson de Richard Desjardins. Bon, je vais trop vite. Éric Lapointe peut reprendre une chanson de Richard Desjardins, mais je crois pas que le public de Richard Desjardins appréciera ce que M. Lapointe prendra comme interprétation. Bon. Moi, j'ai rien contre celui qui s'arrache les... Je vais mourir, mais vas-y. Arrête de nous faire endurer ça, là. Hein? S'il vous plaît. Faites ça dignement. Pas devant un micro. Faites pas un succès avec tout ça, là. Alors, c'était écrit dans le ciel. Belle expression. Très intéressant. Excusez-moi si je repose. Parce que ça m'arrive de décrocher le micro. De la... Je me sens à l'aise hein, là-dessus. Et puis, donc, il y a plein d'écrits que j'ai voulu utiliser pour ouverture. L'esprit... mise en présence de toute espèce de difficulté, peut trouver une issue idéale pour l'absurde. Je répète. L'esprit, mise en présence de toute espèce de difficulté, peut trouver une issue idéale pour l'absurde. C'est mon ami André Breton. Hey, moi, je fais des bons bretons. Ah, tu mets ça sur la baguette, une baguette, là. C'est délicieux. Avec un fromage, à mon fromage préféré, c'est le fromage qui ressemble étrangement à du beurre. Excusez-moi, du beurre. Tu le sors du frigo 60 minutes avant, 55 minutes, pire 40, encore pire 30. Puis si tu ne l'as vraiment pas, là, si tu veux ne pas réussir, ben c'est 5 minutes avant. Parce que le fromage en question, à pâte molle, vraiment, je ne suis pas en train d'être traité de pâte molle, là, c'est le fromage, pâte molle, doit ramollir, sinon c'est plus une pâte molle. Quand tu la sors, lorsque tu sors le fromage là, sur le champ, illico maintenant, la pâte est trop ferme. Elle doit se tranquilliser les nerfs, se laisser aller, un peu comme une séance de yoga. Quoique le yoga n'a rien à voir avec ça, parce que c'est quand même assez difficile le yoga, c'est pas ce qu'on s'imagine. J'ai vu des exercices de yoga. Wow, c'est aussi pire que le karaté, là. En fait, c'est un mouvement lent, mais complexe. La jambe en l'air, l'orteil en bas, l'œil en l'air, le cheveu à droite devant à l'horizon. Ça, c'est le chant du cygne de 16h30. Après ça, tranquillement, tu remets tes membres en place, la tête en haut, les bras le long du corps, les pieds à terre, et surtout les talons au sol, et tu repars. L'élévation, pouf, tu montes, rien ne touche par terre, c'est le yoga. C'est par la puissance de ton esprit. Et soudainement, ding-dong! Hey, pow! Tu tombes à terre. C'est un témoin de Jéhovah qui te demande de te réveiller. Lui, là, t'as comme la tête qui tourne. Puis pendant que tu t'élevais, tu voyais ce qui allait arriver parce que c'était écrit dans le ciel. L'avoir lu plus rapidement, tu serais déposé avant le ding-dong. Mais là, tu pouvais pas. C'était écrit, mais c'était pas si précis. À quel moment? T'sais, moi, ça, pour descendre, ça me prend au moins 2-3 minutes. Là. Je descends pas de même. Là. Quand je suis monté, je suis bien. Quand je dois revenir, je dois me rassembler parce que je me disperse. Hein? Je suis infini lorsque je m'élève, mais je me recueille et deviens un seul à la descente. Fait que là, si j'arrive trop rapidement en bas, il y a des membres qui, eux, vont rester en haut. Souvent, c'est l'esprit. Fait que là, tu peux arriver en cours, dire, oh non, hey, j'avais pas... Non, oh, j'étais pas moi-même. Mon esprit était resté en haut, là. C'est pour ça que je l'ai poignardé à coups de cuillère. Il ne souffrait pas, il riait. Et à l'entendre rire, je suis devenu violent. J'ai pris 3 mordées chez son épouse et je voulais rajouter du sel et du poivre, mais n'en avait pas sous la main. Ça se dit pas. Je n'en avais point sous la main. Donc, j'ai pris mon poing, je l'ai mis sur la gueule de l'homme qui criait « Lâchez ma femme, lâchez ma femme ». Et là, je lui ai dit « Je suis en légitime démence puisque vous êtes entré chez moi par infraction. Vous avez sonné, j'étais en plein, je l'évitais. J'ai voulu aussi vous éviter. J'étais trop haut, j'ai descendu trop bas. Je m'en excuse infiniment, monsieur le juge. Puis-je m'en aller? » Tu demandes ça au juge, hein? Puis-je m'en aller innocemment? Un peu comme un garçonnet là, devant son suçon. Monsieur maman, veux-tu prendre mon suçon? Puis-je m'en aller, monsieur le juge? Je le ferai plus jamais. L'esprit, là, je l'ai plus que collé dans ma tête. Je l'ai raccommodé. Je l'ai mis serré, j'ai tricoté, mon doux, j'ai tricoté un abri d'esprit avec de la laine d'acier. Alors, lorsqu'il y a du tonnerre, des éclairs, ça entre dans ma tête. Ça fait des coursiers. On dirait des gens qui applaudissent ou qui partent. Tout ensemble. On s'en va, c'est rentré dans le gentleman! Les autres, c'est les 10 questions de la fin que j'ai sorties pour des invités à venir. à venir. Venez, venez, venez, venez! Venez, mes petits, venez, venez, venez! C'est un micro de CKRL! Première radio associative francophone au monde, venez, venez, venez! Comédienne, chanteuse, artiste, artrice, arthrite! Ah, mon arthrite, là! Moi, je sais pas, le mois de février, ça me plafonne, là. Oh mon Dieu Seigneur! Je savais même pas qu'il y avait des membres qui pouvaient avoir de l'arthrite de même. C'est impensable de faire souffrir un homme de même. C'est moi, ça. L'homme, c'est moi. Même si je veux pas qu'on me dise ça. Je veux pas qu'on me place, qu'on me segmente, qu'on me cloisonne. Comme étant homme. Femme non plus. Mais garçon. J'ai déjà dit pourquoi. Garçon. Ouais, ça témoigne, madame. Un manque de responsabilité. M. Gagné ne veut pas prendre ses responsabilités sociétales, ne veut pas tenir un statut. Il est contre les statuts. Pas vraiment. Et moi, j'ai jasé avec M. Gagné juste avant-hier parce que je devais plaider sa cause. Parce que lui, devant un juge, il perd les mots, il perd la tête. On lui a dit, hein, bon, tricoté, bon, vous savez, vous vous souvenez, vous vous en rappelez. En laine d'acier, électricité, circuit, en tout cas, c'est Frankenstein, c'est rien à côté Frankenstein. Je suis en train de prier, moi, là, pour que ça... Oui, alors Frankenstein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, c'est ce monsieur, ce bonhomme-là, parce qu'on ne me dira pas monsieur, parce que lui aussi, il compte les statues, puis s'il t'accroche Frankenstein, ta tête va juste faire 3 tours, là, et puis encore là, plus que 3 tours, moi je dis une quinzaine. Puis c'est une petite tape molle, là. C'est genre, oh, salut mec! La tête s'arrête plus de tourner. Un peu comme le baron de Munchausen. Le rôle joué par Robin Williams, là, avec la tête dans le ciel qui se promène. Puis en bas, son corps est en train de faire l'amour avec sa femme ou je sais pas, une dame, une jeune fille, une demoiselle. Puis, il est en haut, puis ouh, la tarte! Ça, c'est Timothée qui Timothée William. Robin Williams puis Timothée Williams. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire, donc? Ouais, mais ce jeu, s'il vous plaît. Quand tu dis ça, puis qu'il arrête de même, là, ça veut dire quelque chose d'assez exceptionnel, puis c'est pas la première fois que ça arrive à cette émission-là. On parlait de tricotage tantôt, il tricote. Là, quelqu'un, à l'autre bout, tire sur la laine, défait les mailles, et lui ne retrouve plus le chemin. Et quand il ne retrouve plus le chemin, il ne peut pas poursuivre son idée première. Plus d'idée. Pouf! Fini! Alors moi, je fais une carte blanche. Pas compliqué, hein? Je veux pas mettre d'écriture. Je pourrais plus les lire, mais je m'en souviendrai plus. Carte blanche. Alors, mon spectacle, carte blanche, j'inviterai des invités que je m'en souviendrai même plus. Ça va, moi, pour moi, ça risque d'être une belle fête. Parce qu'à l'origine, je vais avoir pensé à des noms. Pour rendre hommage à... pour me faire plaisir, j'inviterai Garance. Pony de Paris. Madame Lise. Lise. Et plein de chanteuses. Même les anciennes qu'on n'entend plus parler, là. Jeanne Masse. J'inviterais Jeanne Masse, moi. Femme d'aujourd'hui. Chanson Femme d'aujourd'hui, j'aimerais ça comme elle chante. Brigitte Fontaine. Pourquoi là, tu t'en souviens plus. Là, tu arrives sur scène, tu as préparé tes affaires, tu fais ton numéro, blablabla, tu improvises comme ça. Puis là, tu vois arriver, hein, gars. Oh, puis aussi, oh non, j'en ai une là, qui vient d'arriver là, dans ma tête. C'est dans la même clique qu'Albin de la Simone. Comment qu'elle s'appelle? Je l'ai rencontrée. Là, mais je rencontre toutes les chanteuses. Comment qu'elle s'appelle? Je la vois. Jeanne Charal. Je la vois dans ma tête. Je l'ai, elle avait un petit bedon. Elle était enceinte. Alors, Jeanne Charal arrive puis commence à chanter une chanson là, que j'adore chez elle. C'est dans son répertoire. Vous aimeriez que je la turlute? Attendez, parce que là, ça, quand on fait ça, il y a des blancs, puis quand il y a des blancs, les gens disent, vas-y, accouche, mais elle a accouché d'un enfant. Fait que, mais je peux vous relater un peu son histoire, l'histoire de la chanson, c'est que elle rencontre un garçon et le garçon s'imagine que il peut aller plus loin dans cette relation-là, puis elle dit non. Ah non, quand c'est non. Quand c'est non, c'est non. C'est super. Pas de moi, là, je viens de la détruire, mais je vous la ferai jouer incessamment. Mais pas aujourd'hui, parce que c'est l'univers de Pierre Fa lorsque je l'aurai annoncé. Mais là, avant, j'aimerais vous faire partager une chanson. Donc, on va placer le truc cinéma, même si j'ai même pas de film à vous présenter, mais tout simplement une chanson. Vous en avez... Oh, on n'a pas à faire le générique, hein? Oh, oui, peut-être. On brisera pas des bonnes manières. Puis c'est toujours beau de faire une césure, d'avoir des introductions. Ça nous relaxe et ça nous met dans une circonstance intéressante. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches. Où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Merci Claude. Alors c'est une chanson de mon ami Georges. Un album qu'il a réalisé en 69. Sur le même disque, on y retrouve la chanson, le tube, la supplique pour être enterré à la plage de Sète, le fantôme, la fessée, le pluriel, les quatre bacheliers, le bulletin de santé, la non-demande en mariage, qui est un tube aussi, le grand chêne, concurrence déloyale, l'épave et... la dernière chanson de ce 33 tours. À la basse, nous entendrons Pierre Nicolas. Et voici le Moyen-Âgeux de mon ami Georges Brassens. Et on revient après. Le seul reproche au demeurant qu'est pu mériter mes parents, c'est d'avoir pas joué plus tôt le jeu de la bête à deux dos. Je suis né, même pas bâtard, avec cinq siècles de retard. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. À que n'ai-je vécu bon sang entre 14 et 1500? J'aurais retrouvé mes copains au trou de la pomme de pin. Tous les beaux parleurs de jargon, tous les promis de mon faucon, les plus illustres seigneuries royaume de truanderie. Après une franche repue, j'eusse aimé toute honte bue, aller courir le cotillon sur les pas de François Villon, poussant la gueuse et la forçant au cimetière des innocents. Mes amours de ce siècle-ci n'en est aucune jalousie. J'eusse aimé le corps féminin des nonnettes et des nonnins qui, dans ces jolis temps bénis, ne disaient pas toujours nenni, qui faisaient le mur du couvent, qui Dieu leur pardonne souvent. Comptez les baisers, s'il vous plaît, avec des grains de chapelet. Ces petites sœurs, trouvant qu'à leur goût, quatre évangiles, c'est pas beaucoup. Sacrifiez à un de plus l'évangile selon Vénus. Témoin la baisse de pourra, qui fut, qui reste et restera la plus glorieuse putain de moine du quartier latin. À la fin, les anges du guet m'auraient conduit sur le gibet. Je serais mort, jambes en l'air, sur la veuve patibulaire. En arrosant la mandragore, l'herbe au pendu qui revigore, en bénissant avec les pieds les ribaudes apitoyées. Hélas, tout ça, c'est des chansons. Il faut se faire une raison. Les choux-fleurs poussent à présent sur le charnier des innocents. Le trou de la pomme de pin n'est plus qu'un bar américain. Y a quelque chose de pourri au royaume de truanderie. Je mourrai pas à Montfaucon, mais dans un lit comme un vrai con. Je mourrai pas même pandard, avec 5 siècles de retard. Ma dernière parole soit quelques vers de Maître François, et que j'emporte entre les dents un flocon des neiges d'antan. Ma dernière parole soit quelques vers de Maître François. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. Une chanson pas connue ou si peu connue de Georges Brassens, placée sur un album en 1966. Et ils disent, ne figurant sur le passage original. Mais okay. Donc, je suis en train de lire la petite intro. J'ai aussi quelque chose, parce que je ne voulais pas terminer ça comme ça. En écoutant Brassens, il m'est venu une idée. J'ai une rencontre inédite avec Serge Gainsbourg. Et juste un petit extrait. On va l'entendre discourir sur Édith Piaf. Nous terminons avec une chanson de Gainsbourg et je vous retrouve pour annoncer mon invité. Alors, Gainsbourg qui parle de Piaf. Piaf aussi me rencontre un jour, beaucoup plus tard. Je jouais la guitare, je grattais la guitare, je sais pas, il y avait une espèce de... Ah, je sais, c'était l'anniversaire de Raymond Devos. Et on avait demandé à quelques gens célèbres, ou un peu moins, puisque j'étais parmi ceux-là, de jouer l'instrument. Bon, le piano était déjà pris par un autre, j'ai pris la guitare. Et ça m'a été rapporté. Piaf dit, qui est ce garçon? On dit, c'est Gainsbourg. Il dit, mais tout ce qu'on dit sur lui, qu'il est méchant, c'est pas vrai. Il a deux yeux superbes. C'est un très gentil garçon, je veux le voir. Amène-le-moi. Elle me serre la main. Elle avait déjà les mains abîmées par l'arthrite. Enfin, elle avait eu tout. Ou plutôt, elle n'avait plus rien, parce qu'elle avait tout enlevé. Je vais donc chez elle, boulevard Suchet. Appartement vide. On a parlé de Dali déjà. Là, c'est l'appartement, mais vide. Elle détestait les meubles. Et vous allez m'écrire des chansons. Quelques jours après, mais ce qui est étonnant, c'est que Jane habitait au même numéro. Ce qui fait qu'on aurait pu se croiser. C'était une toute jeune fille et les gens de la haute société anglaise, british, envoyaient les jeunes filles chez des femmes fortunées, enfin fortunées, et gagnaient leur vie avec ça, de la haute société aussi, pour leur apprendre les bonnes mœurs, c'est-à-dire la couture, la faire de la dentelle, le français. On aurait pu se croiser quelques années plus tard. On s'est croisé. Zigzag avec toi, et lorsque ton corps zigzague, zigzag toi et moi, zigzag quel est moi. Zigzag, oui je t'aime. J'aime ton petit corps blême. Zig zig, toi et moi. Zig zig, oh, quel émoi. Big big, je vois grand. N'est-ce pas que je suis un bon zig. Big big, c'est pour toi. Big big, quel émoi. Big big, mon amour. Si grand que j'en fais pas le tour. Big big, c'est pour toi. Big big, quel est moi. Et allez l'orchestre là. Et lorsque ton corps zigzague, zigzag, toi et moi, zigzag, quel est moi, zigzag, oui je t'aime, j'aime tes petits semblables, zigzag, toi et moi, zigzag, quel est moi, big big, je vois grand. N'est-ce pas que je suis un bon zèbre? Big big, c'est pour toi. Big big, quel est moi. Big big, mon amour est si grand que j'en fais pas le tour. Big big, c'est pour toi. Big big, quel est moi. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action! Cinéma. Merci, M. Léotard. Il y a quelques semaines, quelques mois. Toi, tes semaines sont... Ah ouais, moi, les semaines sont des mois sont des jours. J'ai eu la chance de rencontrer une actrice chanteuse que je nommerai pas. Et on parlait de musique, de littérature et de cinéma. Étrangement, elle ne connaissait pas Philippe Léotard. Comédienne française, chanteuse française. Qui, quand même, avait 30 quelques années. Qui a toujours 30 quelques années. La culture, ça donne des ailes! C'est pour ça que le trois quarts des gens rampent, oui, monsieur. C'était quand même pas mal, l'inédit Gainsbourg. Je préparerai quelque chose, sans doute, pour l'événement de... pour souligner la mort de Serge Gainsbourg au mois de mars. Donc, j'en parle avec la direction de CKRL et nous vous revenons avec une publicité, peut-être. Peut-être. Je laisse ça comme une étoile. J'envoie une lumière dans l'infini. Là, dites-moi pas où, là. C'est dans l'infini. Puis sur la lumière, je vais poser un GPS. Parce que l'important, c'est pas la rose, mon Gilbert. Je voulais la dire, celle-là. C'est tout simplement localiser ce que l'on envoie. On veut savoir ce qui arrive avec ce que l'on remet comme ça, là, généreusement. Quelques personnes, d'autres, non, ça fait plaisir. Moi, c'est une manière anonyme, non connue. Je veux que ce soit discret. Il y a des gens qui veulent la discrétion, c'est bien. J'ai une copine, moi, qui me disait, « Ah, moi, je veux pas être vu dans les journaux, puis passer à la radio. Puis, non, moi, c'est discret. » Puis étrangement, c'est pas une comédienne, pas une chanteuse, mais par ses activités, on l'a vu souvent. Ben, souvent, 3-4 fois. C'est pas souvent 3-4. Non, mais comparativement à moi, c'est très souvent. On l'a vu plus régulièrement que moi dans les journaux. Pourtant, Rénal Gagné, c'est rien, M. Champion, c'est rien. Rénal Gagné, c'est l'underground. C'est le sous-bassement même. Quoique pour bien construire une maison, si t'as pas de fondation, ça va faire dur, mon champion numéro 2. Monsieur le Président, non, arrête. Là, si tu continues, moi et mes travailleurs autonomes, qui ne sont pas trop, je sais pas pourquoi on les appelle travailleurs autonomes, mais ceux que j'ai embauchés, parce que c'est à chercher où est l'autonomie. Là. C'est étrange. Il y a des termes qu'on octroie et qui n'ont même pas de digne de mention. Autonome. Dans quel sens, autonome? Là? Ah, tu travailles à ton compte. Ah, t'es pas autonome. Là. Tu sais pas comment... Si je te donne une planche, un clou puis une scie, si je ne te dirige pas, il n'y aura rien à faire avec toi. Là. C'est semi-autonome. Là, c'est important. Hein? Non, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, lorsque tu deviens... La vie passe et que tu tires ta croix, hein? Tu ramasses ta croix puis tu la montes ou tu la diriges vers où te semble le meilleur parti pour toi ou la meilleure route. Il peut arriver des choses qui nous amènent à ne plus être autonome, au moins que l'on ne l'était avant. Donc là, on devient semi-autonome. Là, si tu t'inscris dans une maison pour personnes âgées, puis tu l'étais, tu pouvais fonctionner tout seul. Là, tu pouvais faire ton pâté chinois, tes nouilles chinoises, tes biscuits, ton gâteau, ta tarte à la crème. Puis là, pouf! Tu te lèves de ta chaise pour aller sortir la tarte du four. Là, c'est vrai. Pouf! Par terre. Le lendemain, tu es devenu semi-autonome. Puis si tu t'es inscrit dans une maison de retraite pour gens autonomes, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles fort, tu travailles sur toi pour devenir de plus en plus autonome, pour garder le statut, toujours le statut, hein? Gars, fille, homme, femme, époux, marié. Bien, le statut, là, pour ces gens-là, là, mariés, tout ça, là, c'est beaucoup plus pour la, pour le gouvernement. Le gouvernement veut savoir qui tu es pour aller te taxer et grassement. Es-tu célibataire, toi, là, là? Tu vas payer. T'es marié? Tu vas payer un peu moins. Tu as des enfants? Tu vas encore payer un peu moins. Tu gagnes 75 000 par année? Tu vas payer un peu plus. Tu gagnes 850 000 par année? Tu vas payer un peu moins parce que tu es riche et rusé. Quand tu es dans la couche moyenne, t'es semi-autonome, tu changes ta couche toi-même, même si t'as moins de dextérité. Puis tant pis si t'es crémé. Hein? C'est ça la vie. Jusqu'à temps où tu deviens, malheureusement, même plus semi-autonome. Et que les gens doivent s'occuper de toi. S'occuper dans tous les sens du terme. Te laver, te changer, t'habiller et peut-être même te faire manger. Tu deviens un nourrisson à 75 ans. On appelle ça, sans aucune gêne, il y a des termes qui existent, qui ne me viennent pas à l'esprit, parce que je vois des images, je vois des gens, je vois des personnages qui n'existent pas, mais, sauf dans ma tête, un peu comme un film de... Vas-tu le dire, Claude Sautet? J'adore Claude Sautet. Et je vois ces gens-là et je me dis qu'à travers tout ça, à travers ces individus-là, il y en a qui s'accrochent à la vie, comme le chantait Jean Ferrat, c'est beau la vie pour eux. Parce que la vie, c'est en dehors de tout ça. Une fois que tu as bien mangé, qu'on t'a habillé, que tu es propre, que tu te sens propre, là, peut-être les individus qui ont beaucoup d'imagination peuvent s'en aller et partir dans des histoires. Ces gens-là sont peut-être, entre guillemets, un peu plus heureux. Mais c'est quand même un questionnement. Les bébés boomers, là, sont rendus là. Autonomes, semi-autonomes ou dépendants. Mais moi, écoute, la dépendance, là, je connais ça, ça fait à peu près depuis l'âge de 18 ans, lorsque j'ai eu ma première copine. Je suis tombé dans la dépendance affective. T'es indépendant affectif. Oh mon doux Seigneur. Puis écoutez, quand on a fait quand on va à la chasse, là, c'est le côté rigolo. Là. C'est comme ils vont des champs, hein. Il y a des moments tristes. Quand on va à la chasse, le dépendant affectif a aussi son call, tu sais, caler l'orignal. Caler l'orignal pour les gens qui ne connaissent pas, puis qui, ouais, écoute, je suis végétarien, moi, je n'ai jamais calé mon fromage. Ah non, encore moins, même mon tofu. Je ne compte pas mon tofu, moi, je joue mon frigo, pouf! Il est tofu devant moi, il est heureux, puis, oh, c'est moi! Une bonne tranche de tofu que tu manges pendant 2 heures. C'est bon, Christophe. C'est bon. Mais attendez, là. L'histoire, je vais vous le dire, le dépendant affectif. Il cale comme on peut caler l'orignal, c'est-à-dire l'appeler pour le tuer, malheureusement. Ou heureusement, c'est tellement bon. Et un orignal, là, surtout le panache, ça te sert de cure-dent. Parce que c'est la viande de bois, là. La viande de bois, ça te reste pris dans les dents. Fait qu'il te faut un gros cure-dent avec un panache. Puis si le dentier s'enlève, pas grave, t'en arrêtes un autre. C'est pas compliqué, la vie. T'as pas d'argent. Pas d'argent. Ils vendent, là, des dents de vampires, là, dans les farces et attrapes. 2-3 piastres, tu te colles ça avec de la colle à dentier. Là. Les gens, en plus, t'es attirant, t'es comme surprenant avec les crocs. Là. Oh, ça existe, des vampires? Oui, madame. Je suis comme un peu Raymond Lévesque. Non, je suis pas un vampire, Raymond Lévesque, mais ça m'étire la bouche. La bouche, pas la mouche, la bouche. Voulez-vous que je vous fasse la mouche à mouche? Alors, callez le dépendant affectif call aussi. On y va? Attention, je l'ai déjà fait à CKRL il y a plusieurs années. Faut déjà ajuster, là. Voilà le dépendant affectif. Moi, ça fait depuis l'âge de 18 ans. Je suis dépendant. Connaissez un peu la dépendance, là. Puis depuis aussi l'âge de 0 ans. 0 ans, 0 ans! Et où tu vois le zan dans 0 ans? Ben 0 an. Parce que le 0, il n'y a pas un S pour faire une liaison, là. Ben écoutez, c'était parce que phonétiquement, j'aimais bien. Mais lâche la phonétique, mon tiqueux! Oh, mon tiqueux, OK. Comment ça, vous savez que je suis un tiqueux? Ben... le nom de ton tiqueux, de mon tiqueux, c'est Petite Flûte Enchantée. Fring! Oh! Alors donc, le dépendant affectif, on y va. Monsieur le Président, parce qu'il faut... Pierre Fort m'attend, là. Malheureusement, il est assis, il pleure. Là. À quel moment vais-je passer? Tu passes, mon Pierre. Deuxième semaine avec Pierre. La semaine prochaine, j'allais dire demain. La semaine prochaine, la dernière. Mais l'année prochaine, nous allons le rencontrer pendant beaucoup plus longtemps puisque je lui consacre dans mes rencontres, donc sur place, un avant-midi où nous allons discourir, parler, jaser. Bref, avoir un plaisir fou à nous revoir. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à une émission de variété indépendante francophone. Hey, si vous voulez réagir, là, semi-autonome, autonome, ou à tout ce que vous avez entendu depuis 52 minutes, Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercialhotmail.com, Rénal Québec. Pas R-E, là, RAYNALDQUEBEC, à commercialhotmail.com. Je réponds à tous mes courriels et j'en ai pas tant que ça, soyons honnêtes. J'en reçois 5 à 6 par mois. Bon. Mais c'est souvent des nouveaux messages. Et j'ai aussi 2-3 habitués. Attention, Facebook veut manipuler vos informations. Il y a Facebook aussi, hein. Vous pouvez m'écrire Errance Rénaldienne, entre Errance Rénaldienne, Rénal Gagné, toujours RAYNALD, G-A-G-N-A, accent aigu. Vous allez arriver sur un cabotin avec un nez, une housse à micro qui se place au niveau du nez comme pour représenter le clown. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous éditer pour éditer. En tout cas, votre temps, vous la connaissez. Attention, aujourd'hui, le 17 février 2017, les errances rénaldiennes vous proposent plusieurs routes et aujourd'hui, le chemin, c'est Pierre Fa. Il écrit, compose et arrange les chansons de son groupe Popper Moon et aussi avec d'autres artistes. Pour ses œuvres en solo, il a trouvé le soutien du rare et génial producteur Jay Alinsky et qui l'a hissé. Ah, c'est vrai, Gilles Kaplan, que peut-être l'année prochaine. Qui l'a hissé parce que Jay Alinsky a travaillé avec Gilles Kaplan. Qui l'a hissé, pas Gilles Kaplan, mais Pierre Fort, qui l'a hissé hors des petites convenances de la variété pop du moment. Étrange mosaïque sonore, son œuvre, tantôt acoustique, électro, lo-fi, lyrique ou intimiste, enregistré en toute liberté sur une période de 2 ans et demi, ça c'est son album, L'avenir n'est plus comme avant, mais j'ai aussi d'autres chansons à vous proposer. Pierre Fort. On arrête ici la nomenclature pour vous dire qu'il est là avec moi après la chanson. Tout ce qui suit après, comme la semaine dernière, c'est de lui. Donc un génie, c'est un génie.

de le château de Salle. Chaque fois l'amour change de lumière, mille façons de mêler nos frontières. Dans ce grand lit là, tout est important. Dans ce grand lit blanc, rien n'est impensable. Quand je te caresse, c'est avec du temps frisson délectable. C'est avec du temps, ce n'est que pour l'instant. Pour l'instant, dit le photographe. Pour l'instant, à la ligne, nouveau paragraphe. Pour l'instant. Pour l'instant, dit le philosophe. Pour l'instant, joli. J'espère que si des gens me font la grâce d'écouter mes productions ou Paper Moon ou mes albums, qu'ils ressentiront ça, c'est-à-dire qu'il y a des différents niveaux. Il y a des paliers. Il y a des chansons qui sont vraiment légères et d'une manière assumée et qu'on a fait parfois peut-être plus vite que les autres, et bien tant mieux. Et puis c'est chouette que ce ne soit pas tout le temps, que la chanson ne vienne pas un truc forcément sérieux. Austère, oui, et puis trop prétentieux, qu'on ait des choses aussi qui soient pour nous-mêmes des exercices d'humilité, où on sait que, ben oui, effectivement, c'est pas la Pléiade, mais on a besoin aussi de temps en temps d'une détente, de quelque chose qui soit... Muscana, par là, on se voit presque à chaque année. En 2016, qu'est-ce qui t'a impressionné ou qu'est-ce qui a retenu ton attention? Eh bien, c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire, parce que j'ai particulièrement aimé une jeune femme qui s'appelle Cléa Vincent, oui, qui pratique une pop, on va dire, inspirée par les années 80, dans la forme. Mais bon, ça n'est jamais... C'est pas non plus une copie de ce qui se faisait. Elle reprend certains éléments, tu vois, de rythmique, par exemple. Mais c'est un discours d'aujourd'hui. Et j'aime bien sa façon de finir les notes. C'est-à-dire qu'elle a une façon de finir les notes un peu en l'air, tu sais, très courte. Elle rallonge jamais les notes à la fin, elle les coupe super nettes, tu vois. Et on s'en souvient, tu vois, ça devient un truc, qui est une marque de fabrique pour elle. Ouais. Elle a des jolis accords, elle a des chouettes mélodies. J'aime beaucoup Retiens mon désir, par exemple. C'est un bon exemple de... Et justement, ça ne passait pas du tout sur France Inter. C'est-à-dire, les gens de France Inter disaient « Ah non, pas ça », etc. Et moi, je ne suis pas du tout tellement pas d'accord. Quoi. Je trouve que, voilà, s'il y a quelqu'un qui a amené un ton en 2016, c'est elle. C'est elle qui te l'a dit que... On s'en attachait de presse. Ok, ok. Et je me disais, mais non, quelle erreur. Parce que voilà quelque chose qu'un plus large public peut aimer demain, peut embrasser demain. Pour moi, elle a vraiment le ton du moment, d'une manière qui est potentiellement très large, tout en étant qualitative. Musicalement, c'est chouette. Il y a une certaine originalité, mais une originalité qui est très lisible, tu vois, qui peut plaire demain à beaucoup de gens. Qui n'est pas austère, qui n'est pas fermée, qui n'est pas... Voilà, c'est ça, qui n'est pas narcissique, qui n'est pas « regardez comme je suis une petite fille, ça, autiste, oui, malheureuse et spéciale ». Ouais. Non, c'est tourné vers les autres, c'est généreux, il y a quelque chose de joli. À mon avis, c'est ce que les gens recherchent. C'est des gens comme nous, c'est... Les chansons de Véronique Sanson, c'est notre vie aussi, mais c'est la sienne. Oui, oui. William Scheller, c'est sa vie, mais c'est aussi la nôtre. Oui. Je vois que tu as Jean-Patrick, là, sur ta liste d'interview. Où? J'aime bien. Ah oui, Cap de Liège, il est super. Oui, mais là, c'est parce que son actualité... OK, tu sais. Oui, je connais. Okay. Ben oui, j'ai participé à son... OK, je vais son, sa socio, son socio-financement, oui, c'est okay. ça? OK. Oui. Et puis... Moi, sur Internet. Oui, moi, je l'aime bien parce que, si tu veux, quand j'ai vraiment balbutié, quand je faisais mes toutes premières chansons, mais c'était ni fait ni à faire, hein, c'est-à-dire c'était vraiment des brouillons de brouillons, hein, d'accord. Eh ben, ça a été la première personne à réagir. Je l'avais rencontré chez Sony, je l'avais croisé chez Sony. Et puis il avait écouté, il était vraiment curieux, je sais pas, ma tête lui revenait, je sais pas, il y avait un truc. Et puis alors, on a fait des essais d'enregistrement de maquettes, bon, comme les chansons n'étaient pas prêtes, si tu veux, étaient un peu bancales et tout, bah, ça n'a pas donné un résultat extraordinaire, et puis c'est resté dans un tiroir. Mais j'ai toujours été touché par l'attention qu'il avait portée, par le fait qu'il s'était dit, tiens, on dirait qu'il a un truc à dire, celui-là. Enfin, voilà, c'était la première personne. Et il m'avait accompagné sur le boulevard en bas. Il m'avait dit, bon, là, dans l'immédiat, je crois que, voilà, il faut que vous travailliez de votre côté. Et il avait raison. Il ne m'avait pas dit méchamment, hein, il m'avait dit ça très, avec beaucoup de bienveillance. Et il faut que vous travailliez de votre côté. Okay, vous voyez. Oh, là, 2000, 2001, par là. Et on m'avait accompagné pour choisir un clavier arrangeur en bas, sur le boulevard, un grand magasin de musique. Et il m'avait dit, voilà, moi j'ai pris celui-là pour moi, je travaille avec celui-là. C'est intéressant parce que quand même vous avez 16 pistes dedans, vous pouvez comprendre comment marche un arrangement, tout ça et tout. Et je l'ai beaucoup utilisé ce clavier, mais beaucoup. Tout ce que j'ai fait au démarrage, j'étais fait avec ça. Notamment Paper Moon, les premières chansons de Paper Moon, tout venait de ce que j'avais fait avec ce clavier. Donc, merci Jean-Patrick. Mais ce qui est bien, c'est que ça a été un type qui t'a transmis son savoir, sans vouloir être trop professoral. Écoute, il m'a donné des clés. Il m'a pas appris à faire un mix, par exemple, tu vois, mais il m'a donné le bon outil au bon moment. Puis, surtout que ça a toujours été un homme, et c'est pour ça que j'ai très hâte de le voir, obscur, c'est-à-dire que les médias l'ont jamais pris dans ses bras ou l'a toujours... Pour lui, c'est vraiment pas facile. Ça n'a jamais été facile. Oui, mais il faut... Si tu compares à Renaud ou à des... C'est vrai, mais il faut... Et je pense que quand tu le rencontreras, tu comprendras. Il faut aussi comprendre que c'est quelqu'un qui est très... qui a un œil critique très fort, très puissant. Et qu'il n'a pas non plus été tendre avec les médias dès le départ. Et donc, il y a aussi eu un rapport que lui a induit. Je pense. Moi, je pense que c'est aussi... On voit bien que c'est pas un mec à qui on m'a fait avaler n'importe quoi, à qui et c'est évident que par rapport à des boutiquiers du rock'n'roll en France, tu vois, des gens qui tiennent d'une crédibilité de critique ou des gens comme ça, il est critique par rapport à eux, il n'hésite pas à dire des choses sur eux, quoi, tu vois. Donc, ça fait penser un peu à celui qui a écrit la société spectacle et qui s'est tiré dans le pied. Hein? Guy Debord? Ben oui, mais ils ont raison. Et c'est à cause de ça qu'il s'est suicidé, parce qu'il n'en pouvait plus. Non, mais Jean-Patrick ne suicidera pas, ça j'en suis sûr. Non, mais je veux dire, lorsque tu mets les médias... Oui, devant eux-mêmes. Devant eux-mêmes, oui, et surtout lorsque tu les juges, ben il y a un prépayé, et son prix était très durement... Oui, non, mais c'est vrai, mais alors que... La critique sociale de Renaud, elle est plus, on va dire... Elle était. Dernier opus, assez... Ah là là là, oh là là, le pauvre. Ouais. Bon. Elle était, je dirais, plus conventionnelle d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle reprenait des choses déjà validées, entérinées. Il leur donnait la forme que lui a trouvée, mais... Alors qu'avec Jean-Patrick, on se dit qu'on n'est jamais à l'abri de trucs, tu vois, personne n'est à l'abri, quoi. Vraiment, c'est... Il est un peu le... Moi, je fais beaucoup de liens avec lui et Christophe, c'est-à-dire qu'ils ont voulu être dans des sentiers plus underground. Oui, bon, Christophe, c'est un personnage très ambigu. Parce qu'à la fois, je pense que c'est beaucoup plus un séducteur que Jean-Patrick. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de soin à se redessiner un personnage, qui a passé beaucoup d'années à retrouver une façon d'être Christophe dans les années 2000, tu vois, pour se réinventer, pour être quelqu'un. Alors que Jean-Patrick est beaucoup moins dans la séduction. Ce n'est pas un prestidigitateur, c'est de l'art brut. Oui, c'est plus brut, c'est plus direct, c'est plus cérébral. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus rock'n'roll aussi? Dans la forme, ça l'est. Non, mais je veux dire, il a aussi une vision de sa vie rock'n'roll. Il a l'approche de la vie rock'n'roll. Écoute, tout est question de définition. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects de rock chez Christophe et il y a certains aspects du rock chez Jean-Patrick. C'est, chez Christophe, c'est la partie plus glam, plus sophistiquée, plus anglaise, plus décadente. Et chez Jean-Patrick, c'est la partie plus américaine, évidemment, plus Springsteen, qui était une de ses influences majeures, ce n'est pas un mystère, et Dylan, etc. Et c'est deux choses, c'est deux cultures. Et toi, tes influences? Ben, écoute, la musique pour piano, qu'elle soit chanson ou classique, ça c'est vraiment ma base. C'est là que j'y reviens régulièrement. Et tu écoutes quoi pour te rechercher? Alors Debussy, notamment par Claudio Haro, qui est mon interprète préféré. J'adore les enregistrements de 80-81, des images et des estampes qui sont chez Philips. J'adore ça. J'aime bien aussi Grieg, le compositeur norvégien Grieg. J'étais dans sa maison, dans la maison où il travaillait à Bergen. Et j'aime les enregistrements par Eva Knardal. Toute une collection qui est en noir et blanc, qui a l'air assez austère comme ça, mais en fait la musique derrière ne l'est pas. Pour moi, elle est très chantante, très... Alors la pochette, lui, peut-être à la musique qui se retrouve à l'intérieur. Oui, bon, tu sais, dans le monde du classique, c'est moins grave. Mais les gens s'arrêtent pas s'arrêtent moins à la surface. Si la surface est agréable, tant mieux. Mais enfin, bon, c'est pas... Tu vois, c'est les gens qui traversent plus les apparences, quoi, souvent. Dans la mémoire. quand c'est plus sincère, quand c'est plus intense, quand il faut me croire, faut me croire. J'ai cette évidence avec toi, j'ai cette évidence avec moi, et je fais toujours où elle va, toujours où elle va. J'ai cette évidence avec toi, j'ai cette évidence avec J'aime beaucoup cette musique-là, c'est-à-dire la musique pour piano, on va dire, tournante au début du XXe siècle, qui me parle beaucoup. La richesse harmonique de ces gens-là, les couleurs d'accords très spéciales, les choses, ça j'adore. Ça, j'y reviens souvent. Ouais. Et puis, David Sylvian, alors, je ne suis pas... En fait, j'aime rarement une voix autant que celle de David Sylvian, une voix masculine. J'adore sa façon de chanter. Je trouve ça, chaleureux, détendu. On n'a pas l'impression qu'il cherche à épater la galerie. C'est atmosphérique. Ouais, c'est, on est... En tout cas, dans les années 80-90, ouais. Parce que je l'ai suivi de 80-90, je l'ai peut-être abandonné ces temps-ci, d'à peu près 6-7 ans. Et je me rappelle, oui, des moments très, très, très, très intéressants avec lui. J'ai découvert l'album Secrets of the Beehive quand j'étais au lycée, ouais. Par un ami. Puis après, j'ai tiré le fil de tout ça, puis j'ai découvert d'autres choses. Et je continue, hein, parce qu'il a été très productif. Donc il y a toujours des petits trucs de derrière les fagots que je découvre. Je connais peut-être pas tout, mais sûrement. Mais dans le registre des voix masculines, peut-être quand j'aurais plus de grains, il aurait fallu que je fume, mais je ne fume pas. Okay, ouais. Pour, si un jour ma voix devient plus grave, parce qu'avec l'âge, normalement, arrive... Ou le vin rouge, comme disait Leonard Cohen. Oui, c'est vrai, il y a des tanins, notamment dans les graves, qui sont, paraît-il, sont très bons pour les Cohen graves de la voix. Cohen adore sa voix à cause du vin. Ouais, c'est ça. J'aimerais que l'on aborde deux chanteurs qui nous ont quittés. David Bowie. Est-ce que toi, tu es du genre à ne pas rentrer dans ce bal médiatique-là et de l'écouter et de laisser aller la nouvelle sans trop... Non, ça m'a beaucoup touché. Parce que, en plus, j'étais dans un moment de ma vie très particulier. Oui. Ce jour-là, le jour où on a appris sa mort, j'étais amené à l'échelle notaire pour vendre la maison où j'ai grandi. Et où il se trouve que ni ma mère ni ma grand-mère ne pouvaient s'y rendre parce que elles sont toutes les deux. Enfin voilà, c'était impossible. C'était impossible. Et donc je me suis retrouvé avec la charge de ces souvenirs et de ces choses-là à liquider. Et j'ai passé beaucoup de temps avant dans l'année à faire des allers-retours pour vider la mémoire de cette maison. Et ce jour-là, c'était il y avait plein de choses différentes. Je devais accompagner ma mère à l'hôpital à la Pitié-Salpêtrière, le soir prendre le train et aller vendre la maison. Et puis, enfin, tu vois, c'était un jour où le passé était intensément fragile. Et ça symbolise bien ce que je trouvais très déstabilisant cet hiver dans l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a des repères forts, des choses dont on pense que ça va être là toujours, tu sais. Quand on se dit que peut-être même on mourra avant eux, enfin, et puis non, en fait... Ils ne peuvent pas mourir selon certains, c'est des artistes, donc alors, on à un certain niveau, oui. À la finalité d'un artiste. Mais à un certain niveau, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, l'avantage de la célébrité, ou même de simplement de la création, c'est une survivance de la forme pensée que tu es arrivé à donner, quoi. Il y a au moins cette chose-là qui reste. Et qui te dépasse d'ailleurs, qui n'est même plus toi, qui est autre chose, qui est une extension, quoi, qui a sa vie propre. Donc c'est pas ta survie à toi, ça on s'en fiche, moi personnellement je m'en fiche. Mais l'idée que certaines petites choses que tu avais à exprimer sont... Ben là par contre, ça c'est là, quoi. Ça c'est assez réconfortant des fois. Et le dernier album de Bowie? Moi, je l'avais beaucoup aimé avant d'apprendre son décès, c'est-à-dire parce que j'avais eu l'occasion de l'écouter quelques jours avant, en fait, sur le web. Et tu savais qu'il était très malade? On en parlait, okay. On n'avait pas de certitude. Donc non, je ne le savais pas, j'avais entendu des histoires, mais des histoires, ça peut être juste des histoires, tu vois, c'était pas... Je me méfiais aussi de choses qui auraient pu être des racontars de bas étage. Donc, moi, je trouve ça très joli comme façon de finir. Je me suis même posé la question de savoir si c'était pas fait euthanasier, parce que pour réussir sa sortie, tu sais, comme une création ultime. Malade, il avait le cancer. Oui, comme une création ultime, de dire bon, moi, je décide que voilà, à partir de maintenant, je sais que ma vie va être pourrie, qu'il va y avoir que des choses horribles à traverser et alors, rien d'autre. Alors la dernière mise en scène. Voilà, c'est ça. De se dire bon, allez. L'album, là, voilà, je réussis ma sortie, tu vois, comme une sortie de scène. Et je trouverais c'est ça... Assez spécial, si c'est vrai. Ouais. Je trouverais ça assez fort. Et, très fort. Voilà, j'ai pensé à ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Et est-ce que les médias en ont parlé ou... Non. Okay. Enfin, peut-être... Je ne suis sûrement pas le seul à y avoir pensé. Hein, mais... Ok, j'ai même pas pensé. Ah oui, non, moi, j'ai... Maintenant, ce qui m'a fait penser à ça aussi, c'est que j'ai appris qu'il avait été incinéré très très vite après son décès. Ah ok. Ah oui, c'est vrai. Comme Prince. Peut-être, ça je savais pas. Prince, 3 jours après. Ah oui, bah, David Bowie, c'était le jour même. Ouais. Et je me suis dit, c'est incroyable, parce que c'est inhabituel. Est-ce qu'on a le droit ou... Mais, tu sais, je pense qu'aux États-Unis, quand on a de l'argent, on a beaucoup de droits. Ah ben, je crois plus à ton... Ouais. Et mais puis, c'est un peu machiavélique, non? C'est son choix, c'est sa vie. De toute façon, s'il sait qu'à court terme, c'est la même chose, d'une manière encore plus dure, peut-être que... Ça se défend. Oui, mais personnellement, lorsque tu penses à cette approche-là, t'as pas des frissons? T'as pas... Ou si tu trouves ça tout à fait normal? Je trouve pas ça normal. C'est un choix personnel. C'est bien que c'est alors, bien il faut que respecter le choix existe. Sans... Oui, là, vraiment. OK. Oui, et puis... Oui, non, ça, c'est très particulier, ça. Chacun a son sentiment par rapport à ça. Le mien est et que les gens devraient pouvoir avoir le choix, effectivement un choix encadré et pas un choix n'importe comment, n'importe quoi. Non, mais quand tu sais qu'il y a une finalité là, due à la maladie. Quand la finalité est vraiment fatale, et qu'il n'y a pas d'autre issue, et que tu sais que tu vas rentrer dans un cycle de choses épouvantables. Oui, oui. Ah oui. Oui, effectivement. Oui. Prince? Alors, je l'ai beaucoup moins pratiqué. Okay. Je l'ai vu en concert, hein, comme David aussi, comme Bowie. J'avais vu en 99, notamment à l'Élysée Montmartre. Oui. Okay. Non, Bowie en 99 à l'Élysée Montmartre. C'était bien parce que c'était une petite salle, tu vois. C'était pour le lancement de l'album Hours. Et vraiment, on l'avait tout prêt et tout. C'était un chouette. Avec Philippe Glass et tout ça. Oui. Ah oui. Oui, trois bonhommes. Il y avait Philippe Glass. Il y avait David Bowie et il y avait celui des Velvet Underground. Il y avait sûrement Tony Visconti. John Cale. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui. Ok. Et j'ai... Prince, j'ai moins pratiqué. Ok. J'admire évidemment tu vois, l'excellence du musicien. Enfin, on n'a pas attendu pour le savoir. Hein. Mm. J'enfonce des portes ouvertes. Mais ça m'a moins parlé. J'ai moins été bercé par ça. Quoi. Ok. Donc sa mort Par personne interposée, parce que j'ai une amie qui est extrêmement fan et donc j'étais par ricochet touché pour elle. Quoi. Voilà. Et au niveau artistique, on sait que plusieurs veulent toucher les étoiles. Et toi, tu es à l'opposé, donc comment tu peux... Non, c'est pas vrai. Toi qui bois du thé actuellement. Là. Ouais. Non, mais moi, j'ai pas de. Je cherche pas l'extrême. T'as le mascara qui part en vrille, ma fille. Qu'est-ce qui te rend si charbonneuse? Si c'est un homme, c'est pas la peine, ma reine. Allez, sois courageuse. T'es la plus belle des créatures, je t'assure. T'es absolument fabuleuse. Faut croire qu'il t'a mérité pas son gars. Ne sois pas plus vieux heureux. Maquille-toi, vas-y, c'est à toi. Et fais-nous rêver, le public est là. Vas-y, c'est à toi. T'as le mascara qui dégouline, frangine. Tu es fébrile, tu es nerveuse. Et dans ta linge, sous les halins, vodka. Tu es comme un comateux. Maquille-toi, ainsi c'est à toi. Et fais-nous rêver, là. le public est là. Vas-y, c'est à toi. Le rideau est tombé, remaquille-toi. Vas-y, c'est à toi. Et fais-nous rêver. Le public est là. Vas-y, c'est à toi. On voit se noyer la paillette distraite de tes années radieuses. RLMF, le 89 à Québec, avec Reynald Gagné. Sur les trottoirs d'une ville brisée, elle déambule, la fille à la balafre. Telle une somnambule, sans but précis, hagarde de jour comme de nuit. On s'écarte sur son passage, car vous comprenez, elle nous fait un peu peur, cette fille-là, avec sa grande entaille sur la joue et ses yeux noirs de jet. Certains disent qu'elle est la fille d'un pirate et d'un aigle. Elle aurait échoué sur les bords du fleuve un soir de novembre. D'autres prétendent qu'elle est née sur la lune, ayant perdu l'équilibre alors qu'elle était fillette, elle tomba sur la terre au milieu de la brousse. C'est là, dit-on, qu'un léopard la griffant au visage lui porta la marque. Elle vendit son corps pendant de longues années, dans plus de 1000 contrées, pour arriver jusqu'à nous. Elle a néanmoins la démarche d'une reine, une reine qui aurait tout perdu. Ses vêtements sont des haillons, ses longs cheveux aussi rêches que la corde. Tout le monde ignore qu'une sans cesse dans son esprit, une roue semblable à celle sur laquelle souvent elle fut accrochée. Sous le chapiteau d'un cirque au fauteuil défoncé, elle faisait un numéro avec celui qu'elle aimait. C'était toujours le même numéro, dans des salles obscures, sur des pistes aux lumières bleues. Lui lançait les couteaux, elle était accrochée sur la roue. Chaque fois, il y avait un grand silence quand il lançait les couteaux. Mais elle avait confiance en lui, il était son amour. Un jour, il a lancé les couteaux sur la piste aux lumières bleues, sous le chapiteau, mais la roue s'est arrêtée. Elle avait confiance en lui, il était son amour. Mmh. des libellules se poursuivent ou pas comme vous voudrez. Il fait calme sur les champs de blé, il fait calme sur les grands champs fanés. C'est déjà l'heure du crépuscule, aux grains de lumière orange poudrée. Toutes les choses vont bientôt changer, toutes les choses vont dans l'obscurité. Toi au moins tu sauras que le ciel est toujours le même. Toi au moins tu sauras une fois pour toutes. Des collisions de nébuleuses comme les nôtres, je n'ai pas retrouvé. Un silence d'une telle qualité, un silence d'une telle sérénité. Mais je suis poisson d'eau gazeuse, solitaire, ce n'est plus à prouver. Je préfère ne pas être quittée, je préfère l'homme à l'humanité. Toi au moins tu sauras que le ciel est toujours le même. Toi au moins tu sauras une fois pour toutes. J'ai d'extrême, c'est l'Orient, tu vois, c'est tout. Et puis j'ai pas de fascination pour la transgression non plus, pour le principe de la transgression, c'est-à-dire que si je dois un jour traverser une barrière, bah, si j'ai une bonne raison de le faire, je le ferai, mais pas pour le plaisir de transgresser, je m'en fous. Et pour la création? Ouais, bah, pourquoi pas, si c'est leur manière de fonctionner, pourquoi pas. Oh non, moi ce que j'ai à raconter n'est pas là-dedans. Experience, non C'est pas là-dedans, mon chemin n'est pas là-dedans. C'est un chemin plus intérieur que ça. C'est marrant comme ça. Quoique l'intériorité ne peut pas, selon toi, passer par là. Si, bien sûr. Jim Morrison. Si, l'intérieur. Il peut y avoir des mélanges, bien sûr, c'est pas incompatible. Mm. Non, mais moi. Mais tu veux rester surtout conscient de la création qui est. Tu sais, en en parlant, Renald, je m'aperçois d'une chose, c'est que même si on n'a pas conscience de l'être, on est toujours transgressif aux yeux de quelqu'un d'autre. Ok. Je suis un garçon gay, je n'ai pas envie de fonder une famille, je ne suis pas dans un modèle. Et finalement, on a vu avec les manifs pour tous, etc., qu'il y avait encore énormément de gens qui étaient opposés à ça et pour qui on représentait. Ouais, le mariage pour tous. Tu sais, oui, pour eux, moi, je représente quelque chose de pas bien, de décadent, de vilain. Et je n'y pensais même plus. Tu veux dire pour les gens de droite, pour les gens qui... Oui, les gens d'une droite très, très ancienne. Hein, que, bon, il y a heureusement des gens de droite qui sont plus ouverts que ça. Ouais. Mais Enfin, voilà, je... Non, mais en même temps, t'es... Je me suis dit, c'est fou. Moi, qui n'ai... Moi, je n'ai pas du tout le sentiment d'être transgressif, ouais, mais ouais. Ouais, à leurs yeux, je le suis. Oui, je comprends. Ah, oui, oui, oui. Mais en même temps, dans tes albums, rien n'est dit, rien n'est suggéré. Si. Ah oui? Si, si. Ah, OK, il y a des codes que toi, il y a des fils que tu saisis... J'ai bien aimé ça, si tu veux, notamment dans la création de William Scheller, c'est le fait que si tu regardes, comme les tableaux, tu sais que tu regardes d'un certain point de vue, ouais. Et puis là, il y a des choses qui apparaissent. Ah oui, bah oui, bah oui. Oui. Ouais. Mais c'est pas ce que l'on projette Non, parce que j'ai pas envie d'être porte-parole. Non, mais tu parles de William Scheller. Oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est pas ce que aussi la personne projette. Ouais. Si toi, tu projettes une certaine vision, est-ce que c'est pas nous qui activons cette hallucination? Non, elle est là. Non, c'est là. Oui, mais elle peut être différente pour chacun. Oui, c'est ça, c'est son but. OK, c'est ça. C'est ça qui l'intéresse. C'est le fait c'est ça aussi un peu la métaphore. C'est d'ouvrir des portes, mais sans prendre le même chemin. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit ouvert pour que les gens puissent y mettre leur histoire à eux. Ça, c'est important. Mais je sais qu'il y a quand même dedans des choses qui sont très personnelles et puis qui sont là... si on veut bien les voir, qui sont à dispo, si on commence à comprendre, à avoir ce vocabulaire-là, comme un jeu de piste, tu sais, comme un truc d'agent secret. Il faut être du milieu pour comprendre, peut-être. Non? Je sais pas s'il faut être du milieu, faut avoir l'oreille ouverte. Oui, c'est ça, faut être attentif. Ouais. Sans faire de sublimation, là, sans... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais non, c'est là. Bref, donc, Et alors, si tu rencontres Egon, alors là, tu peux lui parler de David Bowie, parce que vraiment, c'est son idole absolue. Il l'a souvent rencontré. Il a été très, très groupie dès les années 70. Je veux dire, par là, vraiment, tu vois, quand il était adolescent, tout gamin, il venait monter à Paris pour le rencontrer, tout ça. Enfin, il attendait devant l'hôtel, tout. Enfin, il était vraiment... Et puis David Bowie l'accueillait? David Bowie l'a identifié parce qu'il le voyait régulièrement, etc. Donc effectivement, oui, au bout d'un moment, il y a des visages qu'il repérait. Et puis, c'était pas un ami, c'est pas ça. C'était un fan. Mais qui était un gentil fan, qui n'était pas un dingue. Non, c'est ça. Et puis, il a des pressbooks extraordinaires. D'ailleurs, quand je trouvais des articles intéressants aussi, je mettais de l'eau à son moulin. Il devait être tellement heureux. Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis, il a une culture Bowie incroyable. Hein. Moi, c'est lui qui m'a fait découvrir plein de choses. Un peu caché. Oui, ouais, c'est ça, c'est le public qu'on peut pas connaître. Et toi, as-tu un idole ou tu trouves que le côté d'idole, le fait d'idolâtrer quelqu'un est peut-être extrémiste? Ah oui. Moi, finalement, je m'aperçois que les... Il y a beaucoup de gens que j'aime, des artistes que j'aime, sont eux-mêmes attachés à casser l'idolâtrie. Exemple, Sam Phillips, qui est une auteure-compositeur américaine que j'aime beaucoup. Et qui reste au Québec. Qui reste... Sam Phillips, oui. Elle vit à Los Angeles. Ah, excuse-moi, je pensais le chanteur, parce qu'il y a un chanteur qui s'appelle Sam Phillips. Ah, il y a plusieurs homonymes. OK. Et c'était aussi le premier producteur d'Elvis Presley chez Sun Records, qui s'appelait Sam Phillips aussi. Il y en a moi, plusieurs. Moi, c'est qui t'envoie le bonhomme, là. Les cheveux longs qui t'envoie. Alors, la mienne, c'est Sam for Samantha. Ah, OK. Et elle est à Los moi, Angeles. Moi, c'est Sam et Sam. Voilà. Et là, des chansons que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, elle a manifestement une ambition qui n'est que artistique et pas du tout médiatique. Et elle n'a jamais fait vraiment de tournée, elle n'a jamais mis les pieds en Europe. Enfin, tu vois, elle n'est pas dans une démarche de conquête. Et toi, tu l'adores? J'adore, et j'adore ce qu'elle raconte dans ses chansons, justement, le fait de basculer de point de vue, de changement de code, de repère. D'essayer, si tu veux, des fois quand tu es dans une situation qui te semble bloquée ou qui te semble terrible, c'est-à-dire comment je peux la reconsidérer, comment je peux faire mon chemin, trouver un petit arrangement avec la vie et faire mon chemin à l'intérieur de ça pour que ça devienne supportable ou simplement, ou voire mieux, que ça devienne épanouissant ou plus. Hein, tu vois. Je trouve que dans ses paroles, il y a ça, il y a des petits outils comme des outils zen, quoi, comme des outils qui sont de l'aide, quoi. Alors, c'est pas quelqu'un qui a du tout encouragé l'idolâtrie. Alors, absolument pas, au contraire, elle est Je dirais pas qu'elle est revêche, parce qu'elle l'est pas, c'est pas ça, mais elle a donné très peu d'interviews, elle est d'une simplicité extrême qui fait que il n'y a pas de place pour l'idolâtrie. Ça, c'est bien. Et puis même en France, tu vois, des gens, une chanteuse populaire comme Marie Laforêt, que j'avais beaucoup aimée quand j'étais petit. Dans les années 70. Ouais. Alors, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'en fait, tu sais jamais où elle est. C'est-à-dire qu'elle est très, très multiple. Et donc, quand tu penses que c'est une Mater Dolorosa, et en fait, juste derrière, elle sort une chanson un peu rigolote, un peu marrante et très légère. Et puis, juste après, elle fait une pièce de théâtre très intellectuelle. Et puis, enfin, tu comprends? Et donc, elle s'est beaucoup attachée comme ça à toujours casser quelque chose qui deviendrait une petite boutique. Ou si quelque chose de futile, elle dit non, on peut transgresser, on peut faire d'autres choses. Oui, et puis elle a été une des premières à faire. Elle cherchait beaucoup des musiques du monde, tu vois, aller prendre des chansons brésiliennes, prendre des chansons traditionnelles russes ou d'ailleurs du monde entier. Et donc, à chaque fois, si tu veux, il y avait une porte ouverte sur autre chose. On n'était pas enfermé dans une pièce avec elle. C'était toujours, c'est comme si elle te disait toujours, tiens, mais viens voir ça, regarde, j'ai trouvé ça, viens voir ça, etc. C'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà dit 100 000 fois sur tous les tons. Marie Douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse Marie Colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie Douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles, des balades, mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prends garde. Marie Colère adore les éclats de voix, alors choisis entre les autres filles et moi. Marie Douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère est maintenant là devant toi. Marie Douceur n'est plus qu'un souvenir déjà. Ce matin, dis-moi, tout a changé et ça fait du bien. Les gens se croisent et se saluent, ça sent la chlorophylle partout dans les rues. Les doryphores ont quitté le jardin, la castafiore s'est noyée dans son bain. Éléonore a rencontré Firmin et c'est bien. C'est un jour nouveau, tout beau, plein de soleil. Lève-toi, chante avec moi. Un jour à peindre en couleur la tour Eiffel. Lève-toi, chante avec moi. Un jour à monter jusqu'au septième Chante, chante, lève-toi, chante avec moi. Dis-moi, je n'y comprends plus rien. Dis-moi, tout a changé et ça fait du bien. Le prof de musique est sympa. Les cloches de Notre-Dame ont donné le la. Et y'a du muguet à la station Picpus. Les quintuplés ont un petit frère en plus. Et y'a plein de poules sur le marché aux puces. Quelle astuce! C'est un jour nouveau, tout beau, plein de soleil. Lève-toi, chante avec moi. Un jour à peindre en couleur la tour Eiffel. Lève-toi, chante avec moi. Un jour à monter jusqu'au septième ciel. Lève-toi, chante avec moi. Chante, chante, lève-toi, chante avec moi. C'est un jour nouveau, tout beau, plein de soleil. Lève-toi, chante avec moi. Un jour à peindre en couleur la tour Eiffel. Lève-toi, chante avec moi. Un jour à monter jusqu'au septième ciel. Lève-toi, chante avec moi. Chante, chante, lève-toi, chante avec moi. C'est un jour nouveau, tout beau, plein de soleil. Lève-toi, chante avec moi. Un jour à peindre en couleur la tour Eiffel. Lève-toi, chante avec moi. Un jour à monter jusqu'au septième ciel. Lève-toi, chante avec moi. Chante, chante, lève-toi, chante avec moi. Chante, chante, lève-toi, chante avec moi. C'est qu'elle t'amenait tout un tas de brindilles, de découvertes, de trucs. Et ben, à travers ça, quelque part, elle était un peu insaisissable pour des gens, tu vois. Et beaucoup de gens considèrent qu'elle n'a peut-être pas fait la carrière qu'elle aurait dû faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la carrière qu'elle voulait faire. Mais c'est ça, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la carrière qu'elle aurait dû faire ? Elle a été d'une liberté qui était vraiment réjouissante. Une chanteuse que j'écoute et je trouve que vous avez assez souvent le même univers, Annie DiFranco. Ah bon, alors Annie DiFranco, oui, je vois très bien de qui on parle. Moi, je la vois dans la bande un peu de l'élite fer, tu vois, des gens, des filles des années 90. Mais est-ce que tu trouves que vous avez... Elle a un langage plus rock que moi. Oui, ben, ça dépend plus très musical. Intimiste aussi dans certains albums. Oui, c'est vrai, mais je pense que sa culture musicale, est, par exemple, je ne sais pas si, tu vois, tout à l'heure je parlais de Claudio Haro et du piano, je ne pense pas que ce soit trop chez elle, ça. Ok. Mais le côté, carrière non commerciale. Ah, peut-être. Bah écoute, peut-être, oui, c'est possible. Mais je connais peut-être pas des choses qu'elle a faites récemment et qui t'inspire cette comparaison, tu vois. Donc peut-être je suis mal placé pour te dire. J'ai, sur le plan de la mélodie, de la musicalité, très souvent je me suis dit que Toriano c'était quelqu'un qui produisait des musiques merveilleuses et que j'aurais aimé produire. Encore aujourd'hui ou elle a perdu un peu Non, encore aujourd'hui. Ah oui. Non, ce qu'elle a perdu, si tu veux, c'est un peu en image et en pertinence dans l'époque. C'est-à-dire qu'elle est un peu dans son monde, elle est un peu sur son île mentale et donc elle est moins raccrochée à l'époque. Donc il faut faire un peu plus un pas vers son monde pour y rentrer. Mais c'est peut-être mieux. Non, c'est pas plus positif. C'est, en tout cas, moi, c'est pas un reproche que je lui fais. Okay, moi, okay. Moi, j'y rentre toujours avec beaucoup de bonheur. Oui. Et je dis qu'elle a une démarche tout à fait singulière. Moi, si tu veux, ce que j'observe, c'est que... Le premier opus est extraordinaire. Non, ça, c'est son deuxième, parce que le premier opus, là... Est-ce que, ah oui, je comprends. Oui, l'histoire, oui, tu sais. Oui, okay. Moi, je considère que c'est le premier, Little Earthquakes. OK, ouais, parfait. Ouais. Okay. Mais ça l'est pas vraiment... À CKRL, il y avait trois filles qui faisaient une émission de radio et qui s'appelait, attends un petit peu si je me rappelle, Le Derrière de la Lune. En tout cas, c'est tout ce que l'on s'imagine être le premier album. Mais non, il y avait quelque chose d'autre, mais je suis sûr que même la chanteuse essaie d'oublier. Ah ben oui. Non, mais elle a fait plein de choses avant. Et il y avait des 45 tours qui étaient assez chouettes. Mais effectivement, l'album rock... Ah, okay. Oui, moi, non, mais après, oui, effectivement. C'était pas sous son nom, c'était un nom groupe. Alors, je considère que Little Earthquake, c'est le premier album de l'artiste qui s'appelle Tori Amos. Elle a même une chanson là-dedans, à cappella. Oui, Me and the Gun. Elle parle aussi de son viol qu'elle a eu. Friday morning, Oui, je la connais, elle est super. Bah oui, c'était très fort. L'histoire du viol qu'elle a subi parce qu'elle chantait de café en café. Oui, oui, oui. Tu connais l'histoire, par cœur. Bah, ouais. Ouais. Non, mais c'est... Grande dame. Et elle s'est, malheureusement, je l'ai vue récemment, elle s'est fait... elle a joué le rôle de la femme qui ne veut pas vieillir. Moi non plus, je ne veux pas vieillir, tu sais, Renald. Ah, moi et non... tu serais prêt à subir quelques... Non, pas à ce point-là, non. Voilà. Mais pour une femme... Je peux comprendre, tu sais. Je peux comprendre parce que des fois... Parce que c'était la thématique de mon année, tu sais, le passé qui doit s'en aller. Qui doit s'en aller. Et c'est pas facile. Il y a des périodes où c'est pas facile, où tu t'en prends plein la gueule en même temps. Beaucoup de choses tombent en même temps. Souvent, il y a une loi des séries dans la vie. Donc, écoute... L'effet domino, tu veux dire Oui, c'est ça. Et donc, des fois, oui, tu peux essayer de trouver un réconfort dans dire que tu vas faire un peu de maintenance et que tu vas te ressembler. Tu vois, tu as l'impression que comme ça, tout s'écroule pas en même temps. Et, les murs restent encore. Il y a quelques murs qui... Moi, je suis pas... ça me choque pas plus que ça. Je suis pas... Ah, t'es pour la chirurgie esthétique. Bah, je suis pas. Non, c'est pas ça la question. C'est-à-dire, je suis ni pour ni contre. Les gens font ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est ça. Mais en même temps, lorsqu'une femme subit, souvent c'est des femmes. Ça se voit. Quel est l'intérêt de montrer que. Est-ce que certaines femmes. Non, mais. Ils arrivent à se dire, ah ben. Le mien est tellement merveilleux qu'ils ne verront que du feu. Oui. Non, mais je sais pas, Renald. Tu sais, le truc, c'est que je pense qu'elle a dû le faire un peu à l'américaine, façon côte ouest. Parce qu'elle a quand même été, elle a quand même vécu un peu à Los Angeles, tu vois, un moment et tout. Et je pense qu'elle a abordé la chose à l'américaine, tu vois, donc un petit peu violente. Et peut-être que si elle l'avait abordé à l'européenne d'une manière plus douce, ça aurait été plus subtil et plus discret. Mais ce qui restera de Toriyama, c'est pas. Non, c'est pas le côté esthétique, physique. C'est ses écrits. C'est sa musique, ouais. c'est son excellence au piano sur scène. C'est vrai. C'est vrai. Je reviens souvent, des jours de déprime, je reviens souvent vers sa musique, qui pour moi est la plus cathartique que je connaisse, qui marche pour moi, et qui me permet de traverser la tristesse, la tête haute et avec dignité. Elle a une force. Presque mystique, tu vois. D'ailleurs, souvent, ces femmes ont un côté un peu adorateur. Hein. C'est vrai qu'elle a une grande, grande force d'alchimie, tu vois, de transformer le plomb en or. Et ça me fait souvent du bien, souvent. Est-ce qu'il y a beaucoup de chanteurs, de chanteuses qui te font du bien? Ben, alors des fois, ponctuellement, par une chanson, oui. Okay. Et puis après, des fois, au travers d'une carrière aussi, oui. Tori, c'est plus une carrière parce que c'est tout un arc comme ça qui est à découvrir, qui est une exploration. Un florilège aussi, toute son œuvre est à suivre, est à comprendre. Ce que je voulais dire. Après, ça peut être ponctuellement le temps d'une chanson, tu vois. Il n'y a pas longtemps, il y a une petite chanteuse française. Il y a une chanson française. De Tori Léveillé qui en parle. Ah ouais. Le temps de dire je t'aime. Le temps. D'une chanson, et moi je t'aime. C'est un chanteur qui est mort, qui a écrit pour Edith Piaf. Ah oui. Et qui est décédé d'une manière assez atroce, en tout cas, bref, il y a à peu près 10-15 ans. Ah oui. Il a fait les vieux pianos. Ce sont les pianos mécaniques que vous avez remplacés. Ça te dit rien? Non. Par des boîtes à musique. C'est fou, je découvre tout le temps des choses, c'est bien. Du monde entier, quand Frédéric, ça te dit rien? Non. Me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, nos chez-soi, sans oublier les copains du quartier aujourd'hui dispersés. Aux 80, parce que c'est un pianiste. Mm-hmm. On n'était pas des poètes. Et c'était aussi un fervent. Un type qui s'impliquait pour que le Québec reste francophone et D'accord. un pays, donc c'est pour ça que... Tu as un album à me recommander en particulier, pour commencer, pour aborder? Parce que malheureusement, lorsqu'on meurt et que l'on ne fait pas attention à ses droits d'auteur, on fait des ramassis de chansons, mais... ses premiers albums... Mm-hmm. Lorsqu'il est venu à Paris, c'était assez fabuleux. Edith Piaf l'a invité et Elle l'enfermait dans une chambre. Et lui disait pas moi des chansons. Et il lui amenait en pleine nuit, il lui amenait les écrits. Elle se mettait au piano, elle se mettait au piano et elle chantait. Non, non, non, c'est pas ça, retourne. Puis là, il revenait. C'est totalement dictatorial, mais c'est Edith Piaf aussi. Là. Un piano est mort et celle-là l'aimait. Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler le dedans de pathétique. En se frottant au piano nostalgique qu'il était beau le piano, bon piano, vieux piano des copains, à l'époque des copains chez Bianco l'Argentin vers 3h du matin quand elle buvait son demi-doubli. Et seule maintenant elle pense au vivant de ce vieux piano mort. Elle voit, elle entend les messes de Saint-Vincent tomber d'un accord. Au bar, quand elle boit, c'est vrai qu'elle revoit des mains sur l'ivoire blanc. Les mains de Bianco, des mains qui lui font cadeau d'un peu du vieux temps. Mais dans son jean, un fantôme en blue jean, un deuxième et puis 20 qui discute en copain d'un bistrot démodé, d'un piano démodé. Elle a crié, moi je sais, je sais. Elle va raconter l'histoire enfermée dans piano mort. Et c'est l'aventure qui bat la mesure de plus en plus fort. Au clair de la vie, les mains des amis, les yeux des lendemains. La vie devant nous, l'amour et puis tout, et tout et plus rien. Ils sont tous morts au milieu d'un accord. Ils sont morts dans Ravel, dans un drôle d'arc-en-ciel. Un soldat est entré, un soldat est entré. Un piano est mort. Et celle-là l'aimait. Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler le dedans de pathétique. En se frottant au piano nostalgique. Chers amis, si je vous... Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.